sa pa gal, yes bad gal. Nou ka fè nom chanje fòm, fòm chanje yos ban. Clam, clam, woy, bang, bang, bang. Pache fòm deye mou, pou san sa boy. Pache la jan le mou, pou san sa boy. Pache moun ka jalou, pou san sa boy. Level la fogo, dat a real sa boy. Nou, numero uno, pou san sa boy. Bagade pou mou, pou san sa boy. An pa kalas ki reyou, pou san sa boy. Mou, tou sel la go, dat a real sa boy. Bon, bon, moun pe pater. C'est star boy ya, ya solide progressive, de bon confort boy ya. Ya from a cabin follow you and from biz day ya. Ya tout ye boyfriend ya au fond corbe ya. Ya ma guy neuf, peu importe les ya. Ya go se pote fait ya nou ka fait moun pela. La we buy out the bar, co tout se bouteille ya. Ya go cha dans tête représente nek pay ya. Ya lunettes soleil en noir say ya. Ya go chip belt dans les toutes les frais ya. Ya un et chip popé, et chip bouette et pina na. Un et chip a gosse bou et pina banan. Pas gain bête sinop, pas gain bête cinéma. Man pas gain bête fuck up, pas gain bête couillena. No chat pas ta berceuse, ta fucking serena. Au championnat des grandes gueules, tu mérites une méda. Pache femme de yemou, pour Santa boy. Pache l'agent les mou, pour Santa boy. Pache moun ka jalou, pour Santa boy. Level la fogo, dat a real star boy. Nou, numéro uno, pour Santa boy. Pas gade pou mou, pour Santa boy. En pas kalas ki reyou, pour Santa boy. Mou, tout sel la go. Up in the place, a pa bed blog. So fresh, so clear, na pa made in Vietnam. Fuck Kobe and Buddha, mama Batman. You see, you say Yankee Road boy, man a bad man. And nuka control, Tom Tom ke panam. You fi no real gal, yes, a pa gal, yes, bad gal. Nuka fe nom, change fom, fom, change yos ban. Clam, clam, woy, bang, bang, bang. Pache fom de ye mou, pou san sa boy. Pache la jan le mou, pou san sa boy. Pache moun ka jalou, pou san sa boy. Level la fogo, dat real star boy, nous, numéro uno, pour Santa boy, bagade pou mou, pour Santa boy, en pas calas, kireyo, pour Santa boy, mou, tout c'est la go, dat a real star boy, Saint-Joseph, star boy, Kogo City, star boy, Cayenne Saint-Laurent, star boy, Port-France Lamantin, star boy, Little Haiti, star boy, La Pointe-Basse, star boy, Chaudron Saint-Denis, everybody boy. Pache fom de ye mou, pou Santa boy. Pache la jan le mou, pou Santa boy. Pache moun ka jalou, pou Santa boy. Level la fogo, dat a real star boy. Nou, numéro uno, pou Santa boy. Pa gade pou mou, pou Santa boy. An pa kalas ki reyo, pou Santa boy. Mou, tout sel la go, dat a real star boy. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like me to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello. Between us and me. dans cette fin de matinée avec cette version reggae du gros succès d'Adèle. Hello, c'était Kangara et Rosie Delma sur la première. On parlera Euro 2016, le plein de foot et de projets éducatifs. C'est le sujet de Sonne dans l'actu à retrouver dans 15 minutes sur la première. Bon appétit, il est midi à La Réunion, on se retrouve dès demain. Le journal de la rédaction, Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Une nouvelle bagarre ce matin à la prison de Domingo. Une bagarre entre détenus alors que les gardiens manifestaient pour demander plus de sécurité dans l'établissement. On fait le point ce midi avec Antoine Garnier. Une solution trouvée dans le conflit qui oppose les transporteurs à Holcim. La poire a été coupée en deux. Nous entendrons Jean-Bernard Caroupaille de la FNTR. À quoi ressemblera la nouvelle route du littoral? Est-ce que ce sera un grand viaduc en mer? Non, répond Didier Robert, le président de la région. D'autres pensent que c'est possible pour échapper au problème des carrières et des roches massives. Nous l'entendrons. Et puis un hommage à François Nativelle. Il a été durant 36 ans à la tête du cyclisme pays. Nous entendrons Jacques Véliot, le trésorier du comité régional, qui était proche de lui. Réunion première, Cécile Thomas. Et on commence avec cette manifestation des gardiens de prison ce matin à Domingo à Saint-Denis. Une mobilisation suite à la bagarre générale dans laquelle ils ont été pris pour cible par les détenus en début de semaine. Ils demandent la sécurisation des abords de la prison, que 11 postes restés vacants soient comblés et que les prisonniers impliqués dans la bagarre soient déplacés. À l'origine de ce conflit, les colis qui sont balancés par-dessus le mur de la prison et qui contiennent des produits interdits. Et ce matin, il y a encore eu une bagarre au sein de la prison, Antoine Garnier. Oui Cécile, mais les syndicalistes avec qui j'ai discuté tout à l'heure sur le piquet de grève, relativise la gravité de l'événement, même si un des deux détenus impliqués a été transféré à l'hôpital après avoir reçu un coup de poing au visage. Il s'agit d'un incident assez courant selon les surveillants. Aucun personnel de l'administration pénitentiaire n'a d'ailleurs été blessé lors de leur intervention ce matin. Cela n'a donc rien à voir avec ce qui s'est passé lundi après-midi, puisque là, 7 gardiens ont été blessés après avoir été caillassés et frappés par plusieurs détenus dans la cour. Un événement d'une ampleur inédite selon les surveillants à La Réunion. C'est pourquoi ils attendent une réaction significative de la direction. On écoute Gilles Fontaine, c'est le secrétaire du syndicat Force Ouvrière à Domingo. Il faut apporter une réponse forte au personnel de la population pénale. C'est vrai que moi, ça fait pas mal de temps que je suis dans la pénitentiaire. Et j'ai travaillé à Juliette Dodu avant. On n'a jamais connu ceci de l'agression. Et selon les représentants syndicaux, cela fait plusieurs mois qu'ils alertent leur direction sur la dégradation de leurs conditions de travail. Il manque notamment des personnels, reconnaît le directeur. Quant au problème des colis lancés par-dessus le mur d'enceinte de la prison, eh bien un engin de chantier est arrivé ce matin pour creuser une tranchée afin de rendre plus difficile l'accès à l'endroit d'où ces paquets contenant souvent des téléphones ou de la drogue, eh bien sont projetés. Oui, ce climat de tension, Antoine, de violence, l'intersyndicale l'a effectivement senti monter. Plus d'incidents au centre pénitentiaire de Domingo, cela s'explique en partie par une évolution de la population carcérale pour les syndicats. Des jeunes détenus, notamment qui seraient plus violents et qui, pour certains, peuvent vraiment se montrer très agressifs lorsqu'ils consomment de la drogue qui entre dans la prison en passant par-dessus le mur d'enceinte, on en parlait tout à l'heure. Les précisions de Gérald Ferjul de l'USAP-UNSA. Cette évolution, malheureusement, va de pair avec toutes les découvertes qu'on fait actuellement avec tout un tas de produits illicites, hein, comme le Zama, le Rivoltri, l'Artane, l'alcool, issus principalement des projections que reçoivent les détenus en ce moment. Donc, effectivement, quand le cerveau est perturbé par ce genre de produits, oui, ça donne lieu à des explosions de violence. Et ces jeunes qui sont en prison pour purger leur peine, on a plus l'impression qu'ils y sont pour se démonter la tête plutôt que de réfléchir au fait qu'ils les ont amenés en prison. Gérald Ferjul de l'UFAP UNSA que vous avez rencontré ce matin. Merci Antoine Garnier. Transporteurs et direction d'Holcim réunis pour discuter. Depuis mardi, les transporteurs ont cessé le travail. Ils reprochent à l'entreprise de ne pas respecter un accord signé il y a un an. Accord qui indique le nombre de camions qui travaillent sur le site des usines Holcim. L'entreprise veut les revoir à la baisse, moins 20 camions, une condition que n'acceptaient pas la FNTR et la FTOI, les fédérations de transporteurs. Le dialogue entre les deux parties s'annonçait difficile. Une rencontre était prévue ce matin. Une solution a été trouvée. Les négociations sont en bonne voie d'après Jean-Bernard Caroupaille, le président de la FNTR. Je peux dire qu'on a trouvé une solution. Déjà, les 22 camions qu'on devrait absolument entendre dire la directrice, éliminer, c'est passé au nombre de 10. Donc c'est déjà une avancée terrible. Même si c'est 10, ça ne se fait plus n'importe comment, mais sous condition. Maintenant, discussion, avec une possibilité sur 4 mois de garder les mêmes conditions, c'est-à-dire le minimum garanti, le temps qu'on discute la sortie. La sortie par une indemnisation qui lui permettra de rebondir à côté, mais ce transporteur a la possibilité de garder toujours un camion chez Holcim avec une optimisation de son chiffre d'affaires par rapport à l'indemnisation qui sera étudiée et mise en place pour lui permettre de garder son activité et son salarié. Jean-Bernard Caroupa y répondait à Delphine Poudroux. Mardi prochain, nouvelle grande journée de mobilisation nationale contre la loi travail, avec toujours une intersyndicale déterminée à obtenir le retrait du texte. Les syndicats locaux seront eux aussi dans la rue. Ils appellent à la grève générale. Yvan Ouarou, secrétaire général de la CGTR. Plus que jamais, il faut qu'on soit une détermination beaucoup plus forte, parce qu'on a face à nous un gouvernement qui est autiste, qui ne veut pas retirer cette loi qui est fondamentalement rejetée, massivement rejetée par les salariés et par les Français, qui use d'autoritarisme, par exemple, au 49-3. Donc on est face à un gouvernement fermé. Cela fait grandir l'exaspération d'une part. Et à partir de là, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de se battre, parce qu'on est sur, véritablement, une situation de rapport de force. Le gouvernement ne veut pas lâcher, les organisations syndicales ne lâcheront pas. C'est au gouvernement, qui est le principal responsable de cette situation de blocage, de retirer ce texte pour qu'on puisse discuter sur des bases beaucoup plus saines et équilibrées. La forme donnée à cette manifestation du 14, c'est que tous les Français remontent sur Paris. Je crois qu'il y a là une symbolique d'un rassemblement unitaire sur Paris, et je pense que cette symbolique traduit, à mon avis, une étape nouvelle dans la mobilisation. Yvan Ouarou répondait à Nadine Bachelot. Le 14 juin, la manifestation se déroulera à Saint-Denis uniquement. À La Réunion, le rendez-vous est pris à 9h devant le Petit Marché pour ensuite défiler jusqu'à la préfecture. Comment échapper au casse-tête des roches nécessaires au chantier de la nouvelle route du littoral en prenant l'option tout viaduc qui permettrait de se passer des carrières? L'information circule depuis plusieurs jours, selon Jean-Pierre Marchaud. Invité de la matinale, il confirme donc ce que disait sur Réunion Première Armand Gunet, le président de l'association Réagissons. Mais Jean-Pierre Marchaud se montre moins catégorique. D'autant que, comme le précise le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, l'information est très verrouillée par le groupement d'entreprises, parce que c'est un sujet très sensible. Et puis la région apporte un démenti par la voix de son élu chargé des grands travaux, Dominique Fournel, et ça fait sourire Jean-Pierre Marchaud. Dominique Fournel, il y a 2 ans, jurait, c'est grand Dieu, que jamais on importerait de galets de Madagascar. On sait ce qui est arrivé il y a 1 an. Il y a un problème énorme, énorme, énorme sur cette route. Si vous choisissez le tout viaduc, vous n'aurez pas de problème. Si vous choisissez les digues, vous aurez ce problème énorme. Le problème, c'est de l'approvisionnement. Et on sait, tous les milieux autorisés, mais pas simplement les ingénieurs de la route, hein, les carriers, etc., savent très bien qu'il y a un gros souci. Il faut savoir que on cherche des roches massives. Il n'y a pas de carrière de roches massives à La Réunion, il n'y a que des roches alluvionnaires. Donc ça, il y en a pas mal. Il faut savoir que le coût d'extraction des roches massives est beaucoup plus important que les roches alluvionnaires, parce que là, il faut effectivement un travail de recherche, d'extraction, de tir de mine, etc. C'est très complexe. Donc on est dans un problème qui est au-delà du fait de rechercher des roches. C'est ce type de roches-là qui pose problème. Jean-Pierre Marchaud avec Philippe Dornier, le patron départemental des Verts, qui appelle à voter non dimanche au référendum sur la carrière de bois blanc à Saint-Leu. Journée sur le terrain pour le président de région. Il fait le tour des grands chantiers. Cet après-midi, Didier Robert se rendra justement sur le chantier de la nouvelle route du littoral à la Grande Chaloupe, la même où l'on peut voir le début de la route en viaduc. Donc ce matin, Didier Robert était dans le sud. Avant cette visite, Sophie Persson lui a demandé s'il confirmait cette option tout en viaduc. Il y a aujourd'hui un programme qui a été arrêté, un programme qui est connu, un programme pour lequel, effectivement, il y a des entreprises qui ont été retenues et qui sont aujourd'hui dans l'action en train de mettre en œuvre ce chantier. Et puis vous avez ensuite un certain nombre de petits acteurs qui s'amusent jour après jour à commenter les commentaires des commentateurs et donc à se dire que l'on pourrait peut-être imaginer demain un double viaduc, une triple voie, repasser par la montagne. Voilà, ce sont à chaque fois des gens qui font manque de peu de responsabilité. Le démenti de Didier Robert au micro de Sophie Persson. Didier Robert qui était ce matin à Pierrefonds à l'aéroport. Aéroport dont il souhaite que la gouvernance revienne à la Sematra, un satellite de la région. Du nouveau pour la filière banane, elle va pouvoir se développer. La Réunion compte une quinzaine de producteurs qui écoulent tous leurs fruits sur le marché local. Des bananes qui ont parfois du mal à se vendre. Certains de ces producteurs ont signé ce matin une charte avec le groupe Vindémia qui assure pouvoir vendre toute leur production. Suzette Emma. Quatre producteurs de bananes pays voient la vie en jaune. Signer un partenariat avec le groupe Vindémia, c'est pour eux une garantie, confirme Serge Rousselot, directeur des achats du groupe. Pour qu'ils soient assurés de vendre la totalité de leur production, quelle que soit sa production. Et nous, le fait d'avoir un nombre de fournisseurs préférentiels, on va dire, ça nous garantit aussi d'avoir une production identique tout au long de l'année. Des fournisseurs qui devront produire des bananes de meilleure qualité en respectant l'environnement, c'est-à-dire avec moins de pesticides. Aujourd'hui, ils sont en catégorie un peu inférieure à ce qu'on souhaiterait avoir. Et le but de cette charte, c'est de monter en qualité de produit. Ceci pour répondre à une demande des consommateurs de plus en plus sensibles à l'origine des produits. Dans un deuxième temps, il est envisagé d'exporter nos bananes pays. On a un grand nombre de magasins sur la région parisienne. Le but, c'est d'ouvrir cette exportation vers la région parisienne également. Comment concurrencer aujourd'hui la banane antillaise ? La différence sur cette banane réunionnaise, c'est le goût. Bah aujourd'hui, c'est déjà une qualité meilleure. C'est pas du tout le même produit. On essaiera de mettre un label dessus, une étiquette spécifique avec la reconnaissance de l'île de la Réunion. On parle de la banane, mais on parlera aussi de l'ananas Victoria. C'est un projet global sur les fruits réunionnais. Une banane au dessert, un reportage de Suzette Emma. Un réunionnais champion du monde de kickboxing, Anthony Dobaria, a remporté la Coupe du Monde Waco en Italie. Après 3 jours de compétition, le Saint-Paulois, déjà sacré champion de France, s'est imposé dans la classe A des moins de 57 kilos. Pensionnaire de l'équipe de France, il décroche son premier titre mondial chez les amateurs. Anthony Dobaria, joint par Alain Rosali. Cette année, c'est une belle saison. Donc, je suis sur 12 combats là, pour 9 victoires. Je suis vraiment très heureux, comme je vous dis. Et puis, c'est un travail vraiment de longue haleine qui paie. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je suis descendu de KT, encore une fois. Et je pars à la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, c'était la bonne. Je décroche la médaille d'or et la Coupe du Monde. Elle est ici, à la maison. Elle va rentrer à La Réunion. Et je suis vraiment très heureux. Oui, en plus, c'est la première. C'est la première. Ouais, exactement. Donc, c'est la première. Il y en aura d'autres, certainement. Tout ça est en discussion. Mais pour l'instant, je le savoure le titre et puis voilà. Anthony Dobaria qui devrait prochainement intégrer le stage de sélection de l'équipe de France pour les championnats d'Europe de kickboxing et de full contact des compétitions programmées en octobre en Turquie et en novembre en Grèce. Cette dernière information, François Nativel, le président du comité régional cycliste de la Réunion, est décédé cette nuit des suites d'une longue maladie. Président du cyclisme pays depuis 1978 et membre du conseil fédéral de la Fédération nationale, François Nativel a littéralement porté la discipline dans notre île depuis 36 ans. Les réactions sont nombreuses et c'est toute la famille du vélo qui est plongée dans la tristesse ce matin. Je vous propose d'écouter la réaction de Jacques Véliot, le trésorier du comité régional. Il était joint par Carl Sivat. Je perds un ami. Un ami qui a dirigé pendant de longues décennies le cyclisme réunionnais. Il était président depuis 1978. Qu'est-ce qui caractérisait cet homme ? Son dévouement, sa disponibilité, c'était un homme parfait. C'est quelqu'un qui est toujours dévoué pour le vélo. Il pouvait résoudre tous les problèmes. Il n'y a pas de mots à dire. Et qu'est-ce que vous retiendrez de lui ? Il m'a appris à travailler, il m'a appris à gérer le compte du comité. Et si je suis resté dans le bénévolat jusqu'à ce jour, c'est grâce à lui. Un très grand modèle. François Nativel aurait eu 74 ans le 26 juin prochain. L'info continue. Tout de suite les titres de l'actu nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et du nouveau dans l'affaire de la voiture de police incendiée le 18 mai dernier à Paris. C'est une information France Info. Un sixième homme a été arrêté hier soir, un homme de 40 ans. Il est en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir frappé l'un des deux policiers qui avait été agressé ce jour-là. La première mesure de rétorsion d'Israël après la fusillade d'hier à Tel Aviv. Deux Palestiniens ont ouvert le feu sur des clients de restaurants et de bars. 4 sont morts, il y a 5 blessés. L'État hébreu annonce ce matin qu'il suspend les permis d'entrée dont bénéficient 83 000 Palestiniens à l'occasion du Ramadan. Et puis la grève à la SNCF, encore des perturbations en ce 9e jour de grève. Grève des éboueurs parisiens, eux aussi contre la loi travail. Une grève qui n'a plus aucun sens, dit ce matin sur France Info le ministre des Finances, Michel Sapin. France Info. L'info revient à 13h. Bonne journée à tous. Chloé et Philippe Dornier pour la suite, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Thomas, à tous. Bonjour à tous. On ressort les vouvouzelas des placards, la grande fête du football est de retour cette fois avec l'Euro, match d'ouverture demain, un peu tard pour la Réunion, à 23h. Mais il y aura sans doute Dimitri Payet sur le terrain, on en parle ce midi, c'est dans l'actu Philippe. Oui Cécile, le King Créole comme on l'appelle, ça renforce évidemment l'intérêt des Réunionnais pour la compétition. Un de ses anciens coachs, Ousmane Gangat, sera avec nous ce midi. Accompagné de Rafale, qui avoisine les 70 km/h sur la région de Saint-Pierre, de Sainte-Rose et de Sainte-Marie. Les hauteurs exposées sont concernées aussi par ce vent, comme le volcan. Les brises sont présentes sur les plages de l'ouest et au nord de la pointe au sel. La mer est agitée à fort vent. Une houle de sud-ouest voisine des 1,50 m à 2 m des fers le long des côtes ouest et sud. Première. Le samedi et dimanche dans le 15-18, Lucas, ça se passe comme ça. Sur Réunion Première, tous les tubes du moment, des places de ciné à gagner, la pépite du dimanche, la semaine musicale parle de vous, people, et avec vous, vous savez quoi, ce week-end, 15h-18h, Lucas, on est bien ensemble. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première, à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. C'est la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Ah oh Pierre, faudra que je te raconte, il y a un nouveau record. Quoi? Le but le plus rapide de l'histoire? Non, non. La frappe la plus puissante du monde, le record de carton rouge en un match, le transfert le plus cher de l'histoire. Mais non, un record à Euro Million Man Million. Du jamais vu. Cette semaine, 24 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. Semaine Euro Million Man Million UEFA Euro 2016. Mardi 7 et vendredi 10 juin, pour la première fois, 24 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. FDJ. Offre valable en République française et Monaco. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. 12h18 sur Réunion Première Euro 2016. Le plein de foot et de projets socio-éducatifs. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Écharpe, drapeau, maillot, les supporters peaufinent leur équipement à la veille du coup d'envoi de l'Euro 2016 de football. Ils n'y ont Dieu pratiquement que pour les Bleus et à La Réunion, plus particulièrement pour leur numéro 8, Dimitri Payet, le Marmaille Saint-Philippe devenu le King de West Ham en Angleterre et atout offensif numéro 1 de l'équipe de France. Mais le championnat d'Europe, ce n'est pas que le foot, c'est aussi l'occasion de véhiculer des valeurs, plaisir, respect, engagement, tolérance, solidarité. Et si vous prenez les premières lettres de ces 5 mots, eh bien ça en donne un autre. Prêt, d'où le slogan « Tous prêts », opération lancée par le gouvernement et qui permettra à 235 Réunionnais de s'installer dans les tribunes du Parc des Princes dans 3 jours pour la rencontre Croatie-Turquie. Quels sont les objectifs de ce voyage au cœur de l'Euro? Qu'est-ce que les participants attendent de leur séjour en métropole? La grande fête populaire sera-t-elle au rendez-vous? C'est dans l'actu sur Réunion Première. Midi 13h, c'est dans l'actu. Philippe Dornier. Et on attend vos appels au 02 62 99 2000. Il y a également le 06 92 608 335 pour les questions par SMS. Et puis les réseaux sociaux, la page Facebook, c'est dans l'actu. Et pour Twitter, le hashtag CDLA première. Nos invités ce midi, Ludwig Koué, bonjour. Bonjour. Un jeune bachelier qui part ce soir, qui a cette chance, qui part pour l'Euro. Vous avez 19 ans, vous êtes du quartier du Moufia à Saint-Denis et vous cherchez un contrat d'apprentissage. Ça, c'est un autre aspect, on en parlera également tout à l'heure. On attend Ousmane Gangat, le conseiller technique régional de football, ainsi que Marion Marizy, qui est référente à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Et puis, on a également Thierry Valmont, qui est conseiller à la mission locale Nord. Bonjour. Bonjour. Et qui accompagne dans ce projet Ludwig. Vous faites partie, donc, Ludwig, des 235 personnes qui prennent l'avion ce soir. Qu'est-ce que ça représente pour vous, j'ai envie de vous demander? Je suis assez heureux de faire partie de ce projet. Cela est vraiment super et voilà. Vous avez été choisi comment? Comment ça s'est passé, la sélection? Tout d'abord, j'ai reçu un coup de fil. Suite à ça, j'ai participé à une information collective. Ensuite, il y a eu des entretiens pour la sélection des personnes qui peuvent venir. Et voilà. D'accord. J'ai eu la chance de faire partie. J'ai eu la chance d'être sélectionné. Et c'est uniquement pour le plaisir, j'ai envie de dire, ou vous pensez que ça peut vous servir aussi sur le plan professionnel? Parce que je disais tout à l'heure, oui. Vous ne cherchez pas forcément du travail en tant que tel, mais vous voulez poursuivre une formation, on en parlera. Mm-hmm. Est-ce que ça peut être utile à ce niveau-là? Oui, ça peut être utile. Et de plus, ce voyage m'accordera plus. Ça pourrait m'apporter plus de confiance en moi. Ça me permettra aussi de découvrir un peu le monde, Paris, la France, car je n'ai jamais pris l'avion. Ah, c'est une première ce soir? Oui, c'est une première. Donc, y a une. Comment vous préparez à vivre ça? Il y a un petit peu de stress, mais. Mais gagnant quand même. Bien gagnant. Oui. Thierry Valmont. Oui. Vous accompagnez ce jeune dans ce projet, Ludwig. Il n'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul. Chez Mission Le Canard, ils sont 7 jeunes en tout à partir avec nous, parmi les 135 qui partiront ce soir. D'accord. Et de quel accompagnement ils ont bénéficié? Ce sont des jeunes qui sont venus avec nous faire 3 actions sur 3 valeurs différentes. Hein, la santé, le lien entre les générations et le vivre ensemble. Il a eu la chance de pouvoir rencontrer une nutritionniste, une diététicienne, une sophrologue, et ainsi qu'un amateur sportif pour leur parler de la santé et du sport. Ensuite, ils ont pu rentrer dans une maison de retraite, rencontrer des pensionnaires de retraite pour parler avec eux de la réunion d'avant, des valeurs d'antan et de comment ils vivaient ça avant. Et puis, ils ont aussi pu aller à Domingo, au centre pénitentiaire de Domingo, où on a discuté avec des jeunes détenus sur les valeurs qu'eux, ils avaient, les valeurs que les détenus, ils ont, et pouvoir ensuite faire un petit match de foot avec eux. Quand on voit ce qui se passe en ce moment dans les prisons, vous avez entendu, il y a des bagarres, Est-ce que le message, il passe justement de dire il ne faut pas tomber dans la délinquance? Ah, tout à fait, et puis de toute façon, les valeurs qu'on a échangées avec eux, on est souvent tombé sur des valeurs de respect, d'égalité, de tolérance, et on va dire qu'à un moment donné, on ne se rendait plus compte de qui étaient les détenus et qui étaient les jeunes qui étaient avec nous. D'accord. Ouais, vous avez vraiment eu ce sentiment, Ludwig? Oui, pour moi, lors du match, il n'y avait plus de mur autour de nous. C'était un moment de plaisir, un moment de partage. Ouais. Ouais. Et c'est ça pour vous le football, c'est oui, c'est l'évasion. L'évasion, oui. Dans le bon sens du terme, évidemment. Oui. On accueille Ousmane Gangat qui nous rejoint. Bonjour Ousmane. Bonjour. Conseiller technique régional de football. On devait avoir Marion Marisi, je ne sais pas si elle est avec vous, non? Non, elle vous accompagne pas. Je ne sais pas si elle nous rejoindra tout à l'heure. On parlait des valeurs que véhicule le football pour des jeunes, donc ils sont 235 à partir. Qu'est-ce que vous attendez de cette opération tous prêts? Qu'elle soit une impulsion. On parlera certainement du voyage et du match auxquels ils vont assister ce week-end. Mais l'idée, c'était au-delà de ça, c'était de changer un peu le paradigme du football réunionnais, de faire en sorte qu'on soit plus sur la dimension sociale. D'ailleurs, on constate qu'il y a peu de clubs de foot qui sont imprégnés de cette méthodologie de projet. Donc du coup, on n'a pas beaucoup de clubs qui partent. Vous le regrettez évidemment? Je le regrette, mais en même temps, c'était important aussi de s'ouvrir à d'autres univers, comme les missions locales notamment, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir un maillage entre les clubs et ces missions locales et ces écoles, etc., pour pouvoir changer un peu l'image du foot et des clubs réunionnais. Oui, et alors il a fallu cibler, évidemment. Comment vous avez choisi les jeunes qui vont partir, Thierry Valmont? Alors, on s'est basé d'abord sur leur motivation, leur sérieux. Mais aussi chercher à voir s'ils aimaient le foot, s'ils pratiquaient du foot, s'ils étaient licenciés en club ou autre. C'est votre cas, Ludwig? Moi, je pratique du football plaisir dans la cité. Ouais, d'accord. Juste pour le fun, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Et puis après, on a aussi regardé lors d'entretien les valeurs que les jeunes avaient, savoir si ça répondait bien aux valeurs du football et de l'appel à projet tous prêts. D'accord. Et donc, il y a un programme qui a été établi. Avec eux également, ils se sont impliqués dans ce qui leur est proposé. Ils ont pu dire, tiens, moi j'aimerais faire ci, faire ça, une fois en métropole, aller voir tel monument, par exemple. Oui, le programme en métropole est assez chargé. Il y a énormément de choses à faire. On va faire pas mal de visites, que ce soit des monuments, des musées, ou même des institutions qui peuvent être intéressantes pour eux, comme le CNARM ou Mission Locale de Paris qu'on aura rencontré là-bas. Et ils vont aussi pouvoir avoir la chance de faire des ateliers avec les jeunes de Mission Locale de Paris. D'accord. Ça, c'est à la fois la dimension sociale et la dimension sportive. Il y a ces jeunes qui cherchent du travail. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner comme expérience ? Ils cherchent du travail. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner comme expérience ? Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner comme expérience ? Et c'est un peu la fin de leur cursus de formation, puisque ils ont participé aux différentes animations. Ils ont également été qualifiés au cours de leur 3 années. Donc là, le fait d'aller à la fédération, visiter les services, rencontrer des personnes là-bas, ça permet de se nourrir intellectuellement et culturellement pour pouvoir être plus fort ici. Alors, on a un premier texto qui va un petit peu à l'encontre au 06 92 608 335. La parole est libre, évidemment. Henri à Saint-Philippe qui nous dit « Les footballeurs sont des enfants gâtés. Il n'y a qu'à voir quand ils passent à côté de leurs supporters avec un casque sur les oreilles sans faire attention à eux. Je ne vois pas bien pourquoi on prendrait exemple sur eux. » Alors, est-ce qu'on généralise ? C'est vrai qu'on voit ces images-là, Ousmane Gangat. Qu'est-ce que vous dites à cet auditeur ? Non, mais je comprends tout à fait cette réaction. Après, on a 2 millions de licenciés en France. Il y a à peu près 2000 professionnels. Sur ces 2000 professionnels, il y en a une vingtaine qui font des bêtises, qu'il faut le reconnaître. Mais on est dans un monde maintenant qui est hyper médiatisé. Les joueurs de foot sont devenus des people. Et on se focalise sur justement ces comportements qui n'ont pas lieu d'être. Déjà, malheureusement, c'est peut-être ceux qui sont le plus visibles. Oui, c'est plus visible. C'est notre société. Après, on a un devoir d'exemplarité dans le sport qui n'est pas le même qu'on demande aux artistes, par exemple. Donc, on en fait beaucoup par rapport à leur déviance. Qui arrive encore une fois, c'est la réalité, faut pas le nier. Il y a des choses qui sont à déplorer. Maintenant, l'appel à projet tous prêts, ça rentre dans un projet global de la fédération qui a démarré finalement après 2010, après les états généraux du foot. Donc il faut du temps pour changer les mentalités. On voit bien qu'il y a un effort fait par la fédération pour aller vers les supporters et justement changer cette mentalité. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de changer la mentalité des U6, U7, U13 qui seront en équipe de France. Moins de 6 ans, moins de 13 ans, c'est ça. Qui seront en équipe de France plus tard. Il y a tout un programme également qui est mis en place dans les sélections de jeunes en équipe de France à partir de 16 ans pour justement revenir sur ces valeurs. J'avais l'habitude de présenter, quand on présentait tous prêts, d'abord les images du coup de boule de Zidane, etc. et tout, pour dire que le foot, c'est pas ça. Le foot, c'est les valeurs qu'on souhaite porter. Prêt, c'est ce qu'on souhaite porter. C'est pas les valeurs. Le foot a pas ces valeurs-là par essence. Les valeurs, ce sont les gens qui encadrent, les dirigeants, les éducateurs. C'est ces gens-là qui doivent porter ces valeurs de tous prêts. Et ce qui a été formidable dans l'opération qu'on a menée ici à La Réunion, avec un énorme boulot administratif et d'accompagnement qu'a fait la DJSCS, c'est de voir que. Jeunesse et sport. Hein. Jeunesse et sport, oui. De voir que des gens qui n'étaient pas footballeurs se sont emparés de ces valeurs-là. Et donc on souhaite les partager avec eux, on souhaite faire en sorte qu'ils nous aident à améliorer le climat social autour des rencontres, à faire en sorte que les joueurs changent, les jeunes changent, et qu'ils aient une mentalité qui soit plus proche de l'exemplarité qui est demandée à nos sportifs. Est-ce que les footballeurs montrent le bon exemple ? À vous de nous donner votre avis aussi au 02 62 99 2000. Et puis vous pouvez continuer à envoyer les textos au 06 92 608 335. Votre avis là-dessus, Ludwig, vous, donc on dit le football, bah c'est un exemple à suivre également, une chance d'intégration, une chance aussi pour les meilleurs de trouver du travail. Mais il y a cet exemple aussi des sportifs qui ne sont pas forcément toujours accessibles, qui sont un petit peu à l'écart. Est-ce que vous êtes choqué, vous, tout simplement, quand vous voyez des footballeurs ou d'autres sportifs, il n'y a pas que les footeux, qui font ça ? Ouais, je peux comprendre qu'ils ont sûrement beaucoup de... Ils sont très demandés, surtout lors des matchs, quand les gens ils viennent pour les supporter. Ensuite, ça peut arriver qu'ils sont fatigués, ça peut arriver, mais... Au moins montrer un signe de respect, un petit salut. Voilà, c'est ça, c'est juste, on demande pas beaucoup, c'est ouais, ça que vous dites. Ouais, pas beaucoup, juste un petit salut ou un signe de la main, ouais, voilà. Mm-hmm. Ça peut être aussi un moment de concentration, Ousmane Gangat, oui. C'est vrai, enfin, faut mettre les choses dans leur contexte parfois, c'est pas toujours le cas, mais... Il y avait un très beau reportage sur Teddy Riner il y a pas longtemps, et on le voit avec un casque juste avant de rentrer sur le tatami, puisque il est dans un moment de concentration. Donc il y a ça. Après, ce qui est à déplorer, c'est des attitudes qu'il y a eu d'irrespect pour le public. Ça y en a eu. Encore une fois, faut pas le cacher, mais ça a été Nice-Na en Afrique du Sud avec cette histoire du bus. Bon, voilà. Voilà, c'est tout ça. Donc forcément, on y a beaucoup réfléchi au niveau de la Fédé. Il y a eu les états généraux du foot. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites pour faire en sorte qu'on essaye de changer les mentalités, encore une fois. D'accord. On parlait de l'image de Zinedine Zidane, son coup de boule. Ousmane Gangat disait c'est une image qu'il montre justement pour dire c'est pas bien. Vous aussi, vous vous dites ça? Oui, c'est Ludwig. Oui, c'est pas bien. au niveau des missions locales, comment on prend appui sur le football, justement, pour prendre le bon côté, le côté sportif et le côté éducatif, pour entraîner les jeunes vers des projets? Alors, on part effectivement du football, pas sur n'importe quel sport, mais là, on part effectivement uniquement du foot. On véhicule la valeur de tolérance, la valeur de respect et la valeur d'intégration. C'est vrai que ça manque un peu chez les jeunes de nos jours, malheureusement. Moi qui suis mis sur le cas, je peux le voir assez souvent, que la valeur de respect et la valeur de tolérance ne sont plus forcément présentes. Et les aider à pratiquer un sport, à ne plus voir les différences qu'il peut avoir avec les autres, et puis savoir aussi respecter celui qui est en face et travailler dans le respect, ça peut toujours être valorisant pour eux. Et après, ça leur permet, une fois qu'ils arrivent devant un employeur ou qu'ils arrivent dans quelque chose de plus dans le monde du travail, de pouvoir être respectueux, tolérant et de mieux travailler, on va dire. Bon, on va parler un petit peu de sport aussi, puisque c'est le sport qui est à l'honneur. Il y a 235 Réunionnais, et vous en faites partie, Ludwig, qui ont récupéré leurs billets pour assister donc au match Turquie-Croatie de dimanche. Les billets ont été remis le 1er juin dernier. Match de foot, mais aussi découverte de la capitale et des Marmailles, qui sont enchantés en récupérant leurs billets. Ça fait plaisir pour garder un gros match en vrai. Et en France, là-bas, vous allez faire quoi avec à part le match? On va acheter des baskets. On va faire des photos. On va regarder la Tour Eiffel. Et on va acheter des baskets. On ne trouve pas ici? S'il y a des faux ici. Mais nous, on va acheter les vrais en France. T'as déjà été voir un match de foot? Non, pas pour de vrai, mais dans la télé, oui, parfois. Tu vas faire le match et puis quoi d'autre alors? En fait, nous, on va monter dans la Tour Eiffel. T'as déjà fait avant? Non. T'as déjà été à Paris d'ailleurs? Non, ça va être un peu de l'aventure. Qu'est-ce que t'as mis dans la valise? Des baskets, des casquettes, des pulls quand il fera froid, et un livre et... Ça va être bien, quoi. Oui. Voilà, on sent des jeunes enchantés au micro de Géraldine Blandin. C'était il y a quelques jours, donc après la remise des billets. Ludwig, qu'est-ce que vous avez préparé, vous, dans votre valise? Moi, j'ai pris des chaussures, mes chaussures... Un pull, des chaussures de sport aussi, parce que j'ai envie de faire un peu de sport aussi en France là-bas. Pas juste regarder les autres courir, quoi. Non, pas juste regarder. Ça serait bien aussi de faire un petit match, j'ai pensé, avec certaines personnes des autres missions locales. Parce que le foot, ça nous permettra aussi de mieux nous connaître, de partager. C'est pour ça que j'emmène toujours une paire de baskets pour faire des sports. Ouais, pour échanger avec les autres. Et puis, on entendait les jeunes dire on va visiter des monuments. C'est quoi le programme? Oui, on va visiter certains monuments, tels que l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, les Invalides, le Louvre, aussi Disneyland. On va y aller aussi. D'accord. Oui. Et puis, on va visiter le match, on va visiter certains quartiers. On va faire pas mal de sorties. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de tout ça, de ce programme de visite? Il y a des choses que vous rêviez de voir, que vous allez voir? Oui, tout d'abord, la Tour Eiffel, la France. C'est le symbole de la France. Ouais, voilà, ça me fait plaisir de voir la Tour Eiffel. Je serai super content. Je vais prendre des photos, surtout, avec la Tour Eiffel. Vous avez aussi l'occasion de vous rendre au CNARM. C'est l'organisme, oui, qui se charge de la mobilité. Est-ce que ça peut vous donner des idées de projets, peut-être? Ben oui, au début, j'étais pas trop pour la mobilité, mais ce voyage, je pense qu'il va m'apporter certains plus. Et ça va surtout me donner envie de bouger, car là, en ce moment, vu que je vais partir qu'une semaine, ça, je pense que là, je suis en train de réfléchir, et je pense que la mobilité, ça pourrait beaucoup m'aider. Parce que vous avez eu un bac pro il y a 2 ans, c'est ça, en maintenance équipement industriel. Vous avez fait une année de BTS, si je ne dis pas de bêtises, au lycée Geoffroy Aubutor. Mm-hmm. Et suite à ça, vous avez cru pouvoir commencer à travailler avec un contrat d'apprentissage, puis ça n'a pas été le cas, c'est ça? Voilà. Comment ça s'est passé? J'ai eu une mauvaise surprise et donc je me suis... Une mauvaise surprise, c'est-à-dire que vous deviez avoir un contrat et voilà, finalement... Voilà, je devrais avoir un contrat normalement. Cette personne m'a dit de quitter mon BTS. Et par la suite... La personne, c'est le patron qui devait vous embaucher, voilà. C'est ça? Le patron m'a dit de quitter mon BTS et de venir en contrat d'apprentissage avec lui. Mais malheureusement, cette personne-là, suite à... Lorsque j'ai pris ma radiation, cette personne-là ne voulait plus me prendre en apprentissage. Donc, ça a été un coup dur? Ah oui, c'était un coup dur, vraiment dur. Parce que du jour au lendemain, on va à l'école, et du jour au lendemain, tout d'un coup, on fait plus rien, c'est vraiment un coup dur. Qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là? Comment vous avez pu rebondir après? Par la suite, il y a eu mes parents. Mes parents ont discuté avec moi. C'est important, le soutien familial. Oui, c'est beaucoup important. Et surtout, ils ne voulaient pas que je reste sans rien faire. Donc, je suis allé m'inscrire au Pôle emploi, à la mission locale, et je suis allé voir certaines boîtes d'intérim. J'ai fait aussi des recherches, mais qui n'a pas vraiment abouti ici, c'est dur, à La Réunion. Et donc, aujourd'hui, je suis à la mission locale, et voilà. Et vous avez l'idée de poursuivre votre formation, et peut-être dans un autre domaine que la maintenance en équipement industriel? Voilà, en ce moment, je recherche à la recherche d'un contrat d'apprentissage, ou même un contrat directement, pour, en tant que maintenance équipement industriel. Ou sinon... je pourrais me réorienter vers autre chose. J'ai pensé aussi. Dans quel domaine? Dans le domaine du multimédia. Et vu mon bac pro, je pourrais toucher à beaucoup d'autres choses. Et ça supposerait de poursuivre aussi une formation, là, du coup, dans un centre de formation des apprentis, par exemple. Voilà. Et c'est un projet. On entend les difficultés d'orientation de Louis de Vic, Thierry Valmont. Comment savoir, pour un jeune, vers quelle voie s'orienter? C'est difficile, évidemment. Parce qu'il y a des débouchés qui sont plus ou moins compliqués dans certains secteurs, et puis ça s'ouvre dans d'autres, hein. C'est pas noir partout. C'est tout une question, tout un débat. C'est vrai que quand on est conseiller, la première chose qu'on est tenté de demander à un jeune quand il arrive, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est aussi la question la plus difficile à trouver une réponse. Non, c'est tout un accompagnement. Il faut vraiment essayer de leur présenter selon leur caractère, selon leur qualité, leurs compétences, qu'il faut d'abord identifier aussi, leur présenter toutes les branches, tous les métiers qu'ils pourraient aimer, essayer de leur présenter les choses, leur expliquer comment ça fonctionne, peut-être faire une petite période d'immersion et voir comment ça marche, et puis après laisser faire leur propre choix, trouver leur propre voie. Mais c'est quoi comment on voit les centres d'intérêt d'un jeune? Est-ce que c'est finalement ses intérêts? Il regarde le monde du travail avec un regard particulier, et puis il a finalement ses centres d'intérêt à lui qui peuvent apparaître comme des loisirs peut-être, et qui finalement, alors il y a l'exemple du football, mais qui peuvent finalement être un travail plus tard. Ça s'accorde plutôt à la sensibilité du conseiller, c'est à lui de voir où est-ce que le jeune voudrait aller, en discutant avec lui, en faisant connaissance avec le jeune, voir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il a comme qualité, qu'est-ce qu'il a comme défaut, ça pourrait servir dans quoi, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ça. C'est sûr que on va sur un CV où tout en bas à la fin, pratique le football, la marche à pied ou tel sport de combat, on ne s'y intéresse pas vraiment, généralement on ne regarde pas. Et pourtant on le met sur le CV. Pourtant on le met et ça reste important. J'ai vu des employeurs regarder jusqu'à la fin du CV, m'ont dit pourquoi vous faites ça. Donc, quand je vois un jeune qui est sportif, qui aime le foot ou qui aime différents sports, je propose de mettre une note d'animation, aller passer un diplôme pour pouvoir devenir animateur ou pour pouvoir devenir encadrant. Au 06 92 608 335, on a Lucie qui nous dit « Sport populaire, fédérateur par excellence, le foot est devenu si commercial avec ses transferts juteux et les payes astronomiques des joueurs qu'il en devient indécent. Vive le foot amateur !» Qu'est-ce que ça vous inspire, Ousmane Ganguet? Oui, vive le foot amateur, bien sûr, parce que c'est la plus grande partie des licenciés. C'est 29 000 licenciés à La Réunion, c'est ces jeunes dont on s'occupe. Mais après, encore une fois, on vit avec une société. Les joueurs sont payés, c'est parce que on est maintenant dans le football spectacle. Il y a vraiment deux mondes entre le monde amateur et le monde professionnel. C'est deux mondes totalement différents. Et forcément, quand il y a spectacle, il y a des gens qui achètent des abonnements pour pouvoir regarder à la télé ces joueurs-là. et c'est normal que les acteurs ils soient aussi payés. Quand on va au cinéma, les sommes des acteurs elles sont aussi astronomiques. Quand on va à un concert, c'est pareil, ces gens-là ils sont très très bien payés. Après, je peux comprendre que ça paraisse choquant que ces sommes-là, que on est dans un monde qui est devenu marchand, mais en même temps le football c'est vraiment pas que ça, c'est un tout petit bout. Mais si on est aussi mobilisé autour de cet événement de l'Euro, si justement on permet à des jeunes réunionnais de pouvoir vivre leur rêve et d'aller assister à un match, c'est aussi que ce sport il est fédérateur, comme le dit cette auditrice. Donc on peut regretter les vicissitudes du monde professionnel et du monde spectacle, mais en même temps ça permet à un jeune de Saint-Philippe de quitter sa petite commune au pied du piton de la Fournaise et d'être un excellent ambassadeur de la Réunion à Londres où tout le monde le connaît. Donc voilà, c'est maintenant les gens disent paillettes. Maintenant les gens disent paillettes, voilà. Donc et même à Londres, j'espère que on va pouvoir capitaliser sur cette image-là pour faire en sorte que les Londoniens, déjà ils situent la Réunion sur la carte, ce qui n'était pas gagné au départ, puisque même pas mal de métropolitains ont tendance à nous situer au niveau des Antilles, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis si ça peut susciter l'envie à des Londoniens de venir en vacances à la Réunion, ça va faire aussi marcher l'économie et le tourisme. Donc il y a toute une imbrication de choses qui font qu'on subit parfois ce monde. Moi aussi je regrette parfois des choses qui sont faites au niveau du monde professionnel. On fait en sorte que nos jeunes retiennent les bons exemples et ne sont pas là juste pour acheter la dernière paire de chaussures de Ronaldo ou de Neymar, et qu'ils soient plutôt concentrés sur ce qu'ils font sur le terrain de bien et qu'ils essayent de faire de même pour eux aussi vivre leurs rêves et faire en sorte qu'ils atteignent le meilleur niveau possible. Votre avis, à vous, de jeune Ludwig, sur ça, 24 millions d'euros annuels, le salaire, pas d'Ibrahimovic, hein, de Di Maria, c'est lui qui a le plus haut salaire au PSG, et puis y a des salaires comme ça mirobolants. Alors c'est l'arbre qui cache la forêt, comme on dit, parce que la plupart des joueurs, évidemment, ne sont pas des stars et touchent loin de là, ne touchent pas du tout ce montant. Mais vous, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez des gens dire ils font que taper dans un ballon et ils gagnent cette somme? Oui, ben c'est vrai, moi aussi je peux taper dans un ballon dans ma cité. Et vous gagnez pas ça. Et non. Mais bon, après comme... Gagnez pas ça. Et non. Mais bon, après... Et non. Mais bon, après comme... beaucoup d'argent, quoi. Et vous êtes prêt à travailler dur pour gagner votre vie aussi? Oui. C'est ça peut-être de faire le lien entre le footballeur, c'est cette image de vie facile peut-être, alors qu'il y a aussi du boulot derrière. Ouais, évidemment il y a des entraînements, il faut s'astreindre à un style de vie évidemment plus difficile. Voilà, ils ont sûrement aussi une vie, peut-être une vie à cacher. C'est-à-dire c'est-à-dire que vu leur popularité, ouais, ils peuvent pas tout dire, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que Dimitri Payet, c'est un exemple pour vous? Oui, c'est un exemple pour la Réunion. D'ailleurs, je suis assez fier de Dimitri Payet, comme tous les Réunionnais. Nous sommes très contents qu'il fasse partie de l'équipe de France et on est très heureux, on sera très heureux de le voir jouer sur le terrain. D'accord. On le supportera jusqu'au bout. Eh bien, vous savez que Dimitri Payet, c'est... le joueur évidemment que vont suivre la plupart des Réunionnais, les amateurs de foot qui vont suivre les matchs même très tard, qui vont veiller tard. Et quand on leur demande à ces amateurs de foot leur équipe préférée, sans surprise, ils sont tous ou presque pour l'équipe de France. Je supporte la France parce que nous les Français. C'est la meilleure équipe selon vous? Non, mais parce qu'on a l'Espagne, et bon aussi, l'Allemagne. Et alors dans l'équipe de France, là, qui ça vous supporte le plus? Les Siam, ça supporte Dimitri Payet parce qu'il est créole. Bien, bien sûr, on frappe. Après, on a Pogba, mais bien. Antoine Griezmann. C'est qui le meilleur joueur de l'équipe de France alors? Je dirais Payet. Il marque plein de coups francs. Il a fait des bonnes passes, des bons centres, des bons coups francs. Jusqu'où l'équipe de France pourrait aller selon toi? Et il pourrait gagner la Coupe d'Europe 2007. Et après, tout est pas joué. Ils peuvent perdre, ils peuvent gagner. C'est le jeu. Et tu seras fier d'eux quand même? Oui. Ils gagnent un match, je serai fier d'eux. Ils gagnent deux matchs, je serai fier d'eux. Ils gagnent trois matchs, je serai toujours fier d'eux. Et s'ils en perdent? C'est pas grave. Et vous, Ludwig, alors c'est Priscilla et Thève qui a recueilli l'avis de tous ces marmailles. Qu'est-ce que vous attendez de l'équipe de France? Moi, je pense qu'on aura des surprises. On ne verra pas tout, mais J'ai envie de voir ces matchs-là de l'équipe de France. Je pense qu'ils peuvent réussir et qu'ils peuvent arriver loin. Avec, il suffit de les supporter, nous tous, on pourra les aider. Voilà. Vous irez pas au match de l'équipe de France. Hein. On reviendra tout à l'heure sur le match où vous allez. Mais comment vous allez le vivre, finalement, ce match des Bleus demain? Vous serez à Paris déjà? On sera déjà à Paris. Dans une fan zone ou devant un écran de télé, dans un hôtel? Je pense devant un écran géant. On va regarder le match. D'accord. Vous allez voir Turquie-Croatie. Vous avez un favori entre les deux? Ben, moi je dirais la Turquie. D'accord. Et ce match-là, ça a été choisi comment, Thierry Valmont? C'est pas notre choix. Je pense que c'est le choix de la DJSCS ou de la Ligue directement. Et on a juste donné une date pour nous. C'était un match choisi à de longue date et c'est tombé sur cette affiche-là. C'est le ministère de l'Outre-mer qui a acheté 1000 places pour l'ensemble de l'Outre-mer. Et puis ensuite, c'était aussi en fonction des zones géographiques. Donc le plus simple et le moins coûteux pour c'était la région parisienne. Donc c'était ce match au Parc des Princes qui a été choisi. Personne à La Réunion n'a eu le choix. Après, c'est un match qui a été un peu raillé, mais la Croatie a une très belle équipe menée par Modric. Le fait de voir justement ces équipes de niveau européen, déjà ça va nous changer de la Ligue 1, c'est vraiment un niveau au-dessus, et puis toute l'ambiance qu'il y a autour, on parle de spectacle, et là, vivre ce spectacle-là dans le stade, c'est vraiment quelque chose de magnifique, et c'est sûr que on aurait préféré faire en sorte qu'on puisse assister à l'équipe de France, mais vous imaginez bien que le nombre de places était très très limité. C'est déjà la première fois que le ministère de l'Outre-mer met en place ce dispositif. Est-ce qu'on peut dire, il y a peut-être des mauvaises langues qui vont dire, est-ce que c'est pas une façon de remplir les stades pour les petits matchs? Je pense qu'on n'aurait pas eu besoin des 235 réunionnais pour remplir ce stade. Et au contraire, c'est des places qui ont été achetées bien en avance par le ministère de l'Outre-mer et par le ministère de Jeunesse et Sport, puisqu'il y a aussi 19 000 autres métropolitains qui vont bénéficier de places dites sociales. L'idée, c'était, à travers ce grand événement sportif international, de faire en sorte de mobiliser l'ensemble des Français autour de la compétition, de les inciter à faire du sport et de les inciter à le faire à travers les valeurs dont on a parlé depuis le début. Et cette opération, elle va se renouveler avec la Coupe du Monde de handball. Et on aura aussi, en 2019, la Coupe du Monde des filles de foot en France. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un événement international en France, que l'ensemble de la population se mobilise autour de l'équipe de France, mais aussi de montrer qu'on est un pays sportif. Un mot sur la sécurité pour terminer peut-être. On entend évidemment beaucoup parler de ce sujet-là. Hein. La France est un peu inquiète par rapport au contexte. Il y a eu les attentats ces derniers temps. Est-ce que Ludwig, vous êtes inquiet par rapport à ça ou vous y pensez pas? Non, j'y pense pas. Mais je suis pas inquiet, je n'ai pas peur. Et la famille non plus Si, la famille, ils sont un peu inquiets. Moi aussi, ils vont me manquer, c'est vrai, mais ce n'est que pour une semaine, je reviendrai. D'accord, mais ils sont pas inquiets par rapport à ce sujet-là, de la sécurité dans les stades, autour des stades? Si, un peu quand même. D'accord, vous en parlez entre vous? Qu'est-ce que oui. Vous allez donner des nouvelles régulièrement? Oui, je vais donner des nouvelles, je vais appeler ma mère, mon père, et il y a aussi mon père qui est un peu inquiet pour moi. Il m'a dit de faire certaines choses, donc je vais l'écouter. D'accord, c'est quoi les conseils de papa alors? Ben, de toujours rester près des conseillers et ne pas s'éloigner. Ouais. Thierry Valmont, comment on peut rassurer les familles par rapport à ça? Et rassurer, je pense qu'avec tout ce qu'ils voient à la télévision, ça peut parfois être un peu compliqué. Mais après, c'est surtout leur dire que de toute façon... le risque, il est là, on peut pas y échapper et on va pas arrêter de vivre pour ça. Donc moi, je leur dis que c'est une immense chance qu'ont leur enfant de pouvoir partir à Paris et de pouvoir voir un match de l'Euro, que parfois, pour certains, c'est la première fois qu'ils vont en métropole. On va pas gâcher ça juste parce qu'on est un peu effrayé ou qu'on a peur. C'est vrai que ça, même pour nous, conseillers, c'est effrayant, mais voilà, on va faire avec. Et ça a été un des critères, une des premières questions qu'on leur a posées lors des sélections. Qu'est-ce que vous pensez des différentes choses qui sont passées en métropole? Est-ce que ça peut vous effrayer? Et l'ensemble des jeunes qu'on a pu recevoir nous a dit « on va pas s'arrêter à ça, il faut vivre avec ». Oui, Osman Gangat, justement, c'est ce genre d'opération qui peut montrer que la France continue à vivre. Bien sûr, oui, c'est comme disait Monsieur Valmont, on va pas s'arrêter de vivre. C'est sûr qu'il faut prendre un peu plus de précautions. Après, on sait qu'il y a énormément le dispositif de sécurité autour des stades, autour des fan zones est vraiment renforcé. Après, Moi, je vous cache pas que, en tant que fonctionnaire d'État et avec Mario Marisi, avec les autres personnes qui ont œuvré pour ces 235 réunionnais à Lyon Métropole, quand ils seront rentrés, on sera rassurés, quoi. C'est, on a toujours cette responsabilité-là. Il n'y a pas de risque zéro. J'espère que tout va bien se passer. On sait que les mesures de sécurité, elles ont été mises en place pour faire en sorte que l'ensemble des stades et même autour soient vraiment sécurisés. Et il faut pas y penser, même si parfois ça nous trotte un petit peu dans la tête, puisque quand on est responsable d'un groupe, il faut faire en sorte que tout le monde rentre à la maison entier. Mais ça, je pense que ça sera le cas. On n'en doute pas, et évidemment. Merci Osman Gangat, merci à Monsieur Valmont d'être venu parler également de la part des missions locales dans cette opération, et puis merci à Ludwig Coe. Donc, et si jamais quelqu'un nous écoute et veut vous proposer un contrat d'apprentissage, j'imagine que vous serez preneur. Il est disponible. Il est disponible, comme tous les autres jeunes, hein, d'ailleurs, voilà, qui sont dans ce cas-là. Excellent après-midi avec Réunion Première. Là, juste, je vais lancer. Première. 12h-15h, première week-end avec Ingrid. Pour une nouvelle semaine en Outre-mer, nous allons dans la mer des Caraïbes. André Maurice et Claude Maraudon dans Tisane et Herbages Pays. Et les feuilles peuvent être utilisées en cas de... Votre agenda des sorties avec concerts gratuits, balades culturelles ou encore marché forain. 12h-15h, première week-end, Ingrid sur Réunion Première. Allô chérie, j'ai essayé de te joindre, c'était occupé. J'étais en ligne avec Sophia. Avec Sophia ? Et c'est qui celle-là ? C'est un service gratuit de l'assurance maladie qui m'aide à mieux vivre avec mon diabète. Un infirmier me conseille sur mon activité physique, mon alimentation et les examens de suivi. En discutant avec lui, j'ai décidé de reprendre le vélo. Merci Sophia. Ôté ! Allons bouger ensemble ! Pour en savoir plus et savoir si vous pouvez bénéficier de l'accompagnement gratuit Sophia, appelez le 0809 109 974. L'assurance maladie. Service gratuit plus prix appel, destiné aux diabétiques du régime général de l'assurance maladie, sous certaines conditions. Ce dimanche 12 juin, la ville de Saint-Leu organise un référendum local. Vous devrez répondre oui ou non à la question « Voulez-vous que la commune de Saint-Leu révise son document de planification pour permettre la carrière de bois blanc ?» Rendez-vous dans votre bureau de vote habituel de 8h à 18h. Le 12 juin, votons. Avec Tom, on a toujours été amis depuis qu'on est petit. On est allé à l'école ensemble et on a toujours fait les pique-niques du dimanche. Encore aujourd'hui, quand il y a des fêtes, on est souvent au fourneau. Alors comme on ne trouvait pas de travail, on a décidé de monter notre affaire grâce au tremplin pour l'activité des jeunes. On a monté notre dossier, il a été accepté, et avec l'accompagnement du département, on a pu lancer notre snack. Alors vous aussi, réalisez vos rêves avec le tremplin pour l'activité des jeunes. Avec le département, enclenche ta motivation, déclenche ta vie, en appelant dès maintenant le numéro vert 0801 801 000 ou en te renseignant sur le site cg974.fr. Le nouveau musée Stella Matutina fête ses 1 an le 12 juin de 9h30 à 17h30. Au programme, visite du musée, dégustation de jus de canne et de produits locaux, balade en charrette bœuf, atelier ludique et pédagogique, visite commentée du jardin et photos souvenirs. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le nouveau musée Stella Matutina à l'occasion de son premier anniversaire le 12 juin. Pour cette occasion exceptionnelle, l'entrée sera gratuite. Retrouvez le programme complet sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux. Nos musées méritent qu'on s'y attache. Première. Dans moins de 7 minutes maintenant, toute la formation nationale et internationale avec France Info. Et cette dernière info, un sixième suspect arrêté dans l'enquête sur la voiture de police incendiée. Vous vous en souvenez, hein, en marge de la manifestation des forces de l'ordre, c'était le 18 mai dernier. France Info y reviendra tout à l'heure certainement à 13h. Chloé vous accompagne et c'est jusqu'à 15h, service Merci. Première. Merci Philippe Dornier, rendez-vous demain matin pour l'invité de la matinale et puis bon après-midi à vous aussi. Merci. T'es pas ça. Ou la magie mais à peine qu'on t'es pas ça. Le chien a aboyé la caravane, t'es pas ça. Cause, blague, saute tête, mi casse ça. Pose pas, mi reste pas, mi pas ça. Mi squat pas, non, mi pas cela. Resté one love, mi oublie pas ça. People, ils connaissent ça. Coffre mal, bah, mets dans ça. La bordelle, la sacre qui dégaine. Pas de promo, ma valana, toujours un poupée pour moi. Te baise, il a baise. T'es comme ça, na haine même. La chronique comme d'hab, mi défraye même. Me burn them à chaque fois que me dégainen. Fait de la peine à CRTS en gêne. À peine 15 secondes plus qu'elle s'en gêne. Pas de losier, mille des sans gêne. Me never change. Me never change. Me never change. Me never change. Dans la flamme, le corps y exclame. Yeah. Même dans mon sommeil, m'islam. Yeah. Mon cœur bat comme tam tam. Il a tellement bouffé, il fait astramgram. Il fait être pas le temps sans me réclame. N'a pile au vrai, n'a beau pé d'amalgame. Yeah. Le vrai c'est que le peuple il réclame. Encore. Le vrai c'est quand le peuple il proclame. Ouais, pas sans son nom, ouais, c'est Kaf Malbam. Même sans nom, ouais, pas bouc standard. M'y coupe pas. Conseil pété à toi. Quand au goût sec, la quoi, il fait à toi. Yeah. Mina la dalle, toute mi en flamme. Mes sens, t'es malhonnête, toute mi met en panne. Yeah. En gomme comme mi smoke. Yeah. Dot, y stop. Yeah. Never change. Reste one love, mi oublie pas ça. People y connaît ça. Kaf Malbam met dans ça. La bordel à chaque fois qu'il dégaine. Pas de promo, ma valana toujours un poumé pour moi. Te buzz, il a buzz, c'est comme ça, n'a haine même. La chronique comme d'hab, mi défraye même. Mi burn them à chaque fois que mi dégaine. Fait de la peine à CRTS en gêne. À peine 15 secondes plus qu'elle s'en gêne. Pas de losier, mille des sans gêne. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages. Donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, qu'il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Il est 13h à La Réunion, l'actualité France Info. Et c'est le journal d'Agnès Souguéran. Bonjour Agnès. Bonjour Marie, bonjour à tous. Un sixième homme interpellé dans l'enquête sur la voiture de police brûlée en marge d'une manifestation à Paris le mois dernier. Les explications d'Olivier Bois dans un instant. La CGT multiplie ses actions surprises contre la loi travail. Ce matin, ils étaient plusieurs centaines au marché de Rungis en région parisienne. Plusieurs centres de traitement de déchets restent bloqués et parallèlement, la grève se poursuit à la SNCF. Sur France Info, Michel Sapin dénonce ce matin une grève qui n'a plus aucun sens. Nicolas Sarkozy reprend le thème de l'identité nationale lors d'un meeting hier soir dans le Nord, Yannick Falk y était. À suivre également le jusqu'au boutisme de Bernie Sanders qui sera reçu aujourd'hui par Barack Obama à la Maison Blanche. Et puis à la veille du coup d'envoi de l'euro, un détour par Dinard où viennent de s'installer les Gallois qui ont visiblement conquis les petits supporters bretons. Et c'est une très belle journée qui s'annonce, du soleil pour la plupart d'entre nous, sauf sur l'extrême sud-est où il risque d'y avoir des orages cet après-midi. Tout ça dans la chaleur, on voit ça en détail avec Céline Dacosta dans 10 minutes. France Info. Agnès Souguéran. L'enquête donc sur l'attaque d'une voiture de police, c'était le 18 mai dernier à Paris. Un sixième homme est donc en garde à vue ce matin, âgé de 40 ans. Il a été interpellé hier soir et il est soupçonné d'avoir frappé un policier avec un bâton. L'agression s'était déroulée près de la place de la République, en marge d'une manifestation des forces de l'ordre venue dénoncer les violences envers les policiers lors des récentes manifestations. Olivier Bois. Il est soupçonné d'être celui que l'on voit frapper effectivement directement le policier à coups de bâton. On se souvient de ces images très violentes. On voit les deux policiers dans leur voiture attaqués par une dizaine de casseurs qui les encerclent, qui cassent les vitres avant et arrière, qui incendient ensuite le véhicule. C'est à ce moment évidemment que les agents sont obligés de sortir et que ce policier se retrouve face à un casseur qui le frappe à plusieurs reprises à coups de bâton. Le policier avait été salué par sa hiérarchie pour son sang-froid. Il s'était protégé des coups très violents avant de tourner les talons. Et c'est donc son agresseur qui serait en garde à vue depuis hier soir, repéré en fait par le travail d'enquête, par les vidéos, par les témoignages également. Je vous rappelle que dans cette affaire, 5 hommes sont déjà mis en examen, dont 3 sont déjà actuellement incarcérés, notamment 2 frères qui évoluent parmi les groupes d'extrême gauche qui s'appellent les Antifa. Olivier Bois. Et puis la garde à vue de Franck Lavier a été prolongée de 24 heures. Cet ancien acquitté dans l'affaire d'Outreau est interrogé dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour agression sexuelle et viol. C'est sa fille de 17 ans qui porte ces accusations. On en vient à présent aux opposants à la loi travail qui maintiennent la pression avec de multiples actions. Ainsi, les incinérateurs d'Île-de-France et de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône sont toujours bloqués. À Saint-Étienne, en revanche, un accord a été trouvé. Le secteur de l'énergie est également encore dans l'action, selon la Fédération CGT, qui annonce une baisse de production de 3000 mégawatts et de multiples initiatives sur tout le territoire. Et puis opération ce matin également de plusieurs centaines de militants autour du marché de Rungis. Reportage de Cécilia Arbona. La ruche de Rungis, avec son balai incessant de poids lourds et de camions frigorifiques, a été légèrement ralentie par des militants de la CGT agitant des drapeaux rouges, comme David. Là, il n'y a que des camarades interprofessionnels, publics, privés, des territoriaux, de la santé, de l'éducation. À nous de leur montrer qu'on résiste, qu'on peut bloquer l'économie du pays pour faire plier ce gouvernement et le patronat. Vers 6h, exaspérés de patienter en file indienne au volant de leur camionnette, 2 chauffeurs-livreurs ont tenté de forcer les barrages de palettes de bois et de poubelles renversées. L'un d'eux a reçu un coup de poing en pleine figure à travers la vitre baissée de sa portière. On fait quoi alors? On attend? Mais dis-là, dis-leur, tu nous laisses passer. Épaulé par un service de sécurité impeccable, de la CGT très pro, très efficace, le directeur de Rungis, Dominique Batani, a réussi à faire revenir le calme avant l'arrivée des CRS. Donc venir sur le marché entre 3h et 6h30, c'est sûr que c'est les bonheurs pour effectivement avoir un écho sur le marché. Ça a été le blocage d'un péage pendant 4 heures et de deux ronds-points stratégiques qui ont perturbé la circulation, bien sûr, et sans doute un petit peu le fonctionnement de certaines entreprises, mais encore une fois, c'est pas le marché de Rungis qui a été bloqué. Et le cortège de la CGT s'est rapidement dispersé. Chacun est retourné à sa voiture sur la Nationale 7. Et ce matin, dans un communiqué, les 7 organisations opposées à la loi travail appellent à de nouvelles journées d'action, particulièrement le 23 juin, date du vote de la loi au Sénat, et le 28 juin, jour où doit être remis au préfet le résultat d'une votation citoyenne sur la réforme du Code du travail. Les 7 organisations sont la CGT, FO, la FSU, Solidaire et les organisations de jeunesse UNEF, UNEL et FIDEL. Sur France Info ce matin, le ministre des Finances, Michel Sapin, dénonce lui une grève qui n'a plus aucun sens. Rien ne nous aura été épargné, mais tout est prêt, estime de son côté l'adjoint à la mairie de Paris, chargé des sports et du tourisme. Jean-François Martin, c'était l'invité de France Info, résolument optimiste. Il a détaillé les mesures mises en place pour assurer un bon accueil des quelques 3 millions de touristes attendus à Paris et en France durant l'Euro, notamment le recours à des sociétés privées pour assurer le ramassage des ordures qui s'entassent dans la capitale. Sur le front des inondations, l'arrêté paraît aujourd'hui au journal officiel. 782 communes de 17 départements vont donc pouvoir bénéficier du classement en zone catastrophe naturelle. À partir d'aujourd'hui, les victimes des inondations ont 10 jours pour adresser leur déclaration de sinistre à leur assureur. À noter la reprise du trafic demain matin sur la ligne C du RER dans Paris Intramuros, mais avec un train sur deux en raison de la grève des cheminots, la grève à la SNCF qui se poursuit pour le 9e jour consécutif. Il n'est toujours pas candidat officiellement, mais c'est bien un meeting de campagne qu'a mené hier soir Nicolas Sarkozy à Saint-André-les-Lille, dans le Nord. L'occasion pour le candidat non déclaré à la primaire Les Républicains de reprendre ses thèmes favoris comme l'identité nationale, pour mieux se démarquer sans doute de son principal concurrent Alain Juppé. Reportage de Yannick Falt. Nicolas Sarkozy affiche ses soutiens. Une quarantaine de parlementaires sont du déplacement, dont le député du Nord, Marc-Philippe Daubresse. Nous attendons un discours fondateur de celui pour qui nous serions prêts à décrocher la Lune, Nicolas Sarkozy. Identité nationale, racines chrétiennes de la France, immigration, communautarisme. Nicolas Sarkozy reprend ses thèmes de 2007 et 2012 en insistant sur la perte d'autorité de l'État. Même constat, même origine pour l'ancien président, mai 68. Quand des jeunes gens écrivaient sur les murs de Paris, il est interdit d'interdire, jouissons sans entrave. Ici a commencé à germer le désastre. La nouveauté, c'est le lien avec la situation actuelle. Nicolas Sarkozy dénonce la tyrannie des minorités qui bloquent le pays. Minorités intellectuelles, mais aussi syndicales. Le peuple veut que nous rétablissions l'ordre public en arrêtant les casseurs. Le peuple veut l'identité contre le communautarisme. Le peuple veut l'autorité contre la chienlit. Le peuple ne veut plus de la CGT qui voudrait imposer sa loi contre la majorité. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Le peuple contre les élites, la majorité contre les minorités, un refrain déjà entendu et une stratégie assumée par Nicolas Sarkozy. Parler aux électeurs du FN pour élargir sa base électorale quand Alain Juppé regarde lui vers le centre. Saint-André-les-Lille, Yannick Falt, France Info. Autre campagne aux États-Unis avec le jusqu'au boutisme de Bernie Sanders, le sénateur du Vermont qui n'a plus aucune chance de remporter la primaire démocrate depuis sa lourde défaite en Californie, affirme qu'il veut continuer le combat jusqu'à la convention de Philadelphie en juillet. Mais les pressions sont fortes pour qu'il s'efface, à commencer par celle de Barack Obama qu'il doit rencontrer aujourd'hui à la Maison-Blanche. À Washington pour France Info, Frédéric Carbone. À la Maison-Blanche, tout à l'heure, ce sera un rendez-vous entre un président pressé de rentrer en campagne et un candidat réticent à arrêter la sienne. Les conseillers de Barack Obama font en effet savoir qu'il a l'intention de s'impliquer dans la bataille, d'être aux côtés d'Hillary Clinton. Il veut faire vite, il ne faut pas perdre de temps face à Donald Trump. Il l'a déjà dit le week-end dernier au téléphone à Bernie Sanders et il lui répétera aujourd'hui. Le sénateur du Vermont ne veut pourtant pas refermer le chapitre primaire sans garantie sur le programme économique et social, sur le fonctionnement du Parti démocrate et sur sa place à la convention de Philadelphie. Il ne suffit pas de battre Donald Trump, disait hier Bernie Sanders, il faut aussi changer le pays. Mais au-delà du message, le combat continue. Les négociations ont en fait commencé. Les équipes des deux candidats sont en discussion régulière. Et Bernie Sanders doit également voir aujourd'hui les dirigeants démocrates du Congrès. Ce séjour à Washington ressemble donc à la première étape sur le chemin du retrait. La journée se terminera toutefois par un meeting devant des partisans qui n'imaginent pas mettre un terme à l'insurrection Sanders. Washington, Frédéric Arbonne, France Info. Le gouvernement israélien a décidé de suspendre les permis d'entrée de quelques 83 000 Palestiniens au lendemain de l'attaque menée à Tel Aviv. Deux Palestiniens ont ouvert le feu dans un restaurant très fréquenté de la ville. Bilan, 4 morts et 5 blessés. Les assaillants ont été interpellés. L'équipe du Portugal sera la dernière équipe à s'installer tout à l'heure à Marcoussis, à la veille du début de l'Euro. Tout le monde, donc, ou presque, a pris ses marques. Les Gallois sont ainsi depuis hier à Dinard, en Bretagne, où ils ont été accueillis par quelques 700 enfants de la commune venus assister à leur premier entraînement en public. Des petits supporters visiblement conquis qui en ont oublié leur amour du maillot bleu. Cédric Guyou.